Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission qui parle de bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Alors, cette émission du 8 janvier est quelque peu spéciale, tout simplement car j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Et donc, c'est-à-dire que je ne peux pas vous faire entendre, hein, tout simplement, l'émission qui avait été faite avec Marie et Gabriel. Parce que vu que je voulais pas vous, cher auditeur, vous laisser sans nouvelles de la bande dessinée de ce mois-ci, j'en ai discuté avec eux et donc je fais cette petite émission. Donc ça sera très court pour vous parler justement des sorties bande dessinée de ce mois-ci, ainsi que des événements liés à la bande dessinée qui auront lieu cette année. Alors on commence tout d'abord par les sorties des bandes dessinées. Alors, pour les fans de comics, je vous propose le tome 1 de Star Wars par Soul, Pak, Saiz et Yenko, donc qui est sorti le 6 janvier. Alors, cette nouvelle série de comics se basant sur la trilogie originale de Star Wars va en fait revisiter la guerre des étoiles avec des dessins très travaillés et quelques petites histoires annexes, hein, afin de mieux saisir l'univers. Donc, un comics, hein, qui se présente juste comme une ode, en fait, tout simplement, à l'œuvre originale. Pour ceux qui préfèrent les bandes dessinées, en particulier les thrillers, je vous propose Les Fiancés du Califat par Mats Trevidic et Lochi, qui est également sorti le 6 janvier. Alors, cette bande dessinée, qu'est-ce que ça raconte? C'est une bande dessinée qui est un mélange entre espionnage et complot, où des femmes devront jouer un rôle afin de s'infiltrer dans le camp de l'ennemi. Mais l'ennemi de qui et pourquoi faire, vous le saurez en le lisant. Donc tout simplement des femmes, hein, qui vont devoir se faire passer pour des fiancées et qui vont mener un double jeu. Donc Les Fiancés du Califat, le 6 janvier, donc c'était il y a 2 jours. Enfin, fans de Minecraft et de l'univers YouTube, pourquoi pas retrouver les aventures du YouTuber Sifano, la Sifadventure, en bande dessinée. Voilà, donc la bande dessinée qui retrace l'aventure de ses aventures sur le jeu vidéo Minecraft. Donc c'est une bande dessinée de Dorian, de Sifano évidemment, de Quadrachi et Samela. Alors c'est une mode, hein, qui existe chez les youtubeurs faisant des vidéos sur le jeu vidéo Minecraft, de tout simplement de faire une bande dessinée sur leurs aventures en jeu. Donc c'est un jeu qui plaît, hein, chez les jeunes. Alors pourquoi pas, ça peut être une lecture intéressante, parce que ça reste plutôt sympa, hein, c'est des aventures, mais dans un monde cubique. Donc, si vous aimez les cubes, ou si vous connaissez quelqu'un qui aime Minecraft et qui est jeune, parce que c'est le public visé, pourquoi pas. Alors, concernant les suites de vos séries préférées, hein, qui sortent ce mois-ci, alors, en pêle-mêle, hein, je vous ai fait une petite sélection. Nous avons le tome 5 de la réédition de Chobits, donc l'histoire d'un monde, hein, d'un monde se passant d'ailleurs à notre époque, où en fait, les ordinateurs ne sont pas tels que nous les connaissons aujourd'hui, mais en forme humaine. Donc un manga très philosophique sur notre lien étroit avec les machines. Et si jamais les machines, ça vous ennuie, pourquoi pas acheter le 27e tome déjà de My Hero Academia, donc qui raconte l'histoire d'un jeune homme sans pouvoir dans un monde avec des gens qui ont des pouvoirs et puis qui un jour obtient un pouvoir et il se passe des choses fantastiques. Si vous préférez rester dans le classique, vous avez le tome 34 de Cédric qui sortira. Également le tome 2 de L'homme le plus flippé du monde, qui raconte l'histoire d'un collégien et de son ami imaginaire qui représente ses angoisses. Et donc vous allez vivre avec lui toutes ces terreurs, hein, de ce monde horrible qu'est le collège. Vous aimez les classiques? Eh bien, pourquoi pas retrouver donc les rééditions, enfin le retour, pas des rééditions, pardon, de Nabucho Dinosaur, le dinosaure le plus déjanté de la bande dessinée, peut-être car c'est le seul. Donc, une bande dessinée avec un humour un peu absurde, hein, sur le thème des dinosaures. Mais pour le coup, c'est une bande dessinée qui est vraiment cool avec des bonnes blagues. Et enfin, vous préférez les histoires

il y a quand même des festivals qui sont organisés au cas où, enfin, que soit possible. Alors tout d'abord, parlons du festival de la BD d'Angoulême, qui va être séparé en deux parties. La première partie sera interdite au public et se déroulera du 29 janvier au 30 janvier. Et en fait, bah, ce sera tout simplement la remise des prix. Et ensuite, avant les vacances d'été, et il y aura donc la deuxième partie du festival de la BD, où cette fois-ci, on pourra aller rendre visite à ses auteurs, faire dédicacer ses bouquins, si tout se passe bien. Sinon, le 7 du 5 février au 7 février à Paris, il y aura la 10e édition du salon SoBD. Donc voilà, un salon sur la bande dessinée avec plus de 60 exposants et 150 auteurs. Donc voilà, et il y aura des rencontres, des dédicaces et même des ateliers. Et si jamais vous n'aimez pas aller à Paris pendant la même période, donc du 6 février au 7 février, il y aura la 11e édition du Festival du Livre et de la BD à Mancy, dans l'Essonne. Donc, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, ce sera une entrée libre. Pour les autres, je n'ai pas vu de prix communiqué, mais là, entrée libre. Et alors, et ça sera au gymnase René Guiton, voilà, pour l'information. Mais de toute façon, toutes les informations sont sur leur site internet. Puis bon, sinon, il y en a plus tard, il y en a en avril également, en Champagne-Ardenne à Auvillers, du 17 avril au dimanche 18 avril. Mais ça, on aura encore le temps d'en parler. Et concernant dans la région, le plus tôt qu'on a pour l'instant, et de ce que j'ai trouvé, c'est pour... ça sera à Thionville, ce sera pour mai. Donc on a encore le temps de voir comment ça va se passer. C'est donc tout pour les événements sur la bande dessinée de cette année. De toute façon, on en parlera dans les émissions futures. Alors, du coup, pour février, nous aurons peut-être un invité, je l'espère. Je suis en train de me renseigner. Nous aurons peut-être un professionnel dans l'animation. Donc, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais là, c'est bon, j'ai les réponses. On va voir comment ça va se passer. Et en espérant que nous n'ayons plus de problèmes d'enregistrement pour l'émission de février. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée sur Fadjet. Encore une fois, une bonne année. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Et cette fois-ci, avec l'équipe complète. Car Jérémy sera également de retour. C'était Benjamin sur Fréquence BD. Et bonne soirée.